confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La société des vivants et celle des morts. Dernier épisode à Madagascar, le retournement des morts. La première fois que vous avez assisté au retournement des morts, vous aviez quel âge, vous vous souvenez ? 10 ans. Et vous n'avez pas eu peur ? Non, j'ai pas eu peur parce que c'est mon frère que nous avons exhumé là-bas. Et les autres morts alors ? Les autres morts, ce sont nos grands-parents, le grand-père, la grand-mère, la tante, les oncles. Il y a aussi les cousins. Ils ne font pas peur parce que nous croyons très fort. Même s'ils ont été morts, ils sont toujours proches de nous. À Madagascar, la colonisation n'a jamais réussi à faire fléchir complètement le système des croyances indigènes. Davantage, les étrangers restent comme fascinés par les rituels qui se pratiquent toujours dans la grande île, notamment autour des morts, les années qui suivent leurs premières funérailles. On parle de Fama Dian, le mot est intraduisible. Retournement des morts dans leurs tombeaux, exhumation, réenveloppement des squelettes dans leurs lambas, les pagnes linceuls, réinhumation encore. Et souvent, répétition quelques années plus tard du même rituel si les familles en prennent l'initiative. Les destins du mot Fa Dian, projeté hors de l'île, rebondissant jusque chez les psychanalystes, ont été inattendus. Pareillement, les variations des rituels. Demeurent cependant quelques fondamentaux. D'abord, l'idée que le premier groupe avec lequel doivent contracter les vivants, ce sont les morts. Ensuite, s'il y a des groupes ou des personnes privées d'ancêtres, ils peuvent faire advenir leurs morts jusqu'à ce rang. Enfin, c'est de leur vivant même que les personnes doivent entretenir le désir de devenir des ancêtres. Les enfants eux-mêmes sont entraînés par cette aspiration. C'est par le tombeau qu'ils prouvent qu'ils fabriquent du futur. Et c'est dans la joie, la musique, les libations que se reproduit le Fama Dian. Autant les premières funérailles sont tristes, autant les secondes, et celles qui peuvent suivre, se déroulent dans un climat de fête. Fabriquer des ancêtres, c'est une affaire joyeuse. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. L'invité de ce jour, professeur à l'INALCO, Milan John Rakoto Malal. Malan John, vous venez de découvrir il y a peu. Oui. D'où vient peut-être votre prénom? Oui, en fait, c'est un. D'après le document archivistique que j'ai découvert, c'est que c'est un ancien nom anglais, Maljohn, qui est en fait l'équivalent de Maljean ou de Valjean en français. Voilà. Alors, vous êtes depuis la plus haute antiquité anthropologue. Et vous insistez sur le fait qu'à Madagascar, il y a une divinité suprême et il y a, entre la divinité suprême et les vivants que nous sommes, tout un monde intermédiaire. Oui, tout un monde intermédiaire composé en général des ancêtres. Et là, les ancêtres, il y a deux types. Il y a les ancêtres royaux et princiers, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle à Madagascar les Zampanzakan, c'est-à-dire ancêtres nationaux. Ce sont les ancêtres des Malgaches qu'on appelle. Puis il y a les ancêtres familiaux, c'est-à-dire moi, mes propres ancêtres dont je descends, quoi. Et ensuite, il y a les esprits de la nature. Alors, ces esprits familiaux doivent être apprivoisés. On les craint, peut-être, mais on veut aussi les rejoindre. Craindre, non pas. On les craint quand il y a effraction de leurs interdits. Parce que nos ancêtres nous ont laissé, nos ancêtres familiaux nous ont laissé des interdits. Et si jamais on enfreint ces interdits-là, là, on craint leur punition, quoi. C'est comme si on était dans le monde des vivants. C'est comme si vous aviez vos parents qui vous disent, faites pas cela, vu que vous faites, vous risquez d'être grondé. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans le monde malgache, on ne pense pas qu'il y ait une rupture totale entre le monde des des vivants et des ancêtres. Je précise bien, monde des ancêtres, mais pas monde des morts. C'est pas pareil. Oui, on n'a pas peur de la mort à Madagascar. Non, non, non. Comme dans toutes les religions, quoi. En fait, la religion, fondamentalement, par essence, c'est une négation de la mort. Dans le christianisme, ce n'est pas de la mort qu'on a peur, c'est du jugement qui va se produire après la mort. Oui, là, oui. Je parle du christianisme. Oui, mais les protestants chantent « Aux morts, où est ta victoire ?»« Aux morts, où est ta victoire ?» Mais revenons à la spiritualité malgache. Donc, sauf si on a quelque chose à se reprocher, les ancêtres de la famille, quand ils se manifestent, c'est avec bienveillance et on les accueille tranquillement. Est-ce que, par exemple, vos parents morts vous ont déjà parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Par exemple, il se présente à la maison, chez nous, et il a une bonne mine. Vous vous souvenez comment il était habillé quand il est revenu? Oui, il est habillé comme d'habitude. Et le fait qui est très répétitif, c'est qu'il est toujours souriant. Il fait des sourires, il passe comme ça, sans rien dire. Mais qui a décidé la date? On a fait appel à un devin et c'est obligatoire, c'est la tradition. On ne fait pas n'importe quoi dans n'importe quel lieu ou endroit ou temps, mais il faut toujours consulter le devin. Reportage de Sylvie Coma, là-bas si j'y suis, France Inter, 1993. On a l'impression qu'il y a un travail du rêve qui a convoqué les ancêtres qui précède le travail du rite. Avant de décrire celui-ci, le Fala Adiam, dites-nous quel est le rôle des devins. Il y a des devins toujours à Madagascar, dans chaque quartier, dans chaque village. Oui, en général, oui. On peut rien faire sans passer par le devin. Il y a plusieurs types de devins. Hein. Le petit là tout à l'heure, ou la petite, a parlé de ce qu'on appelle en anthropologie devin astrologue. Il y a aussi les devins et guérisseurs, etc. Quoi. Mais pour l'organisation des fêtes, il faut passer par les devins astrologues. Ce sont eux qui savent déterminer le jour astrologique ou le moment astrologique pour l'accomplissement du rite. Voilà. Initiative des familles, consultation du devin et le rite va pouvoir commencer. Insistons là-dessus, c'est un rite de retournement du deuil en joie. C'est pas comme les premières funérailles qui sont tristes. Et donc, musique. On n'est pas au bout de nos surprises, on n'a pas encore commencé la description du premier jour du Fama Dian. Mais Malanjan Rakotumalal, jusqu'ici on a peut-être surpris, mais on a été simple. Il faut introduire un peu de complexité, parce que c'est peut-être pas dans toutes les régions de Madagascar qu'on va pratiquer le rite. Non, ça se pratique par exemple sur l'hôtel central, dans l'hôtel central, du côté également de l'ouest, chez la Sakalava, chez les Bitumsak, etc. Mais la manière de le faire, ça diffère de selon les régions. Voilà. Même le nom, ça diffère selon les régions. Et puis introduisons de la complexité. C'est pas une tradition qui existe de toute éternité. Elle est peut-être inventée récemment. On a une idée. Ça. Soyez simple là pour oui, le. Ça. De l'origine, des origines. Oui, ça se relève des hypothèses qu'avancent certains anthropologues, surtout les archéologues. Il y en a qui disent que ça c'est une comment dire, c'est un rite que les Malgaches héritent de leurs ancêtres indonésiens. C'est vrai qu'en Indonésie, on pratique aussi ce genre de film de seconde funéraille. Et même en Chine, je viens d'apprendre qu'on pratique également le seconde funéraille. On exhume également les morts après un an après leur mort, quoi. Voilà, après leur décès, voilà. Madagascar est une terre de migration. Alors, le premier jour, tel qu'il a été observé par ses reporters en 1965, à la tête de l'équipe de ses reporters, Raoul Goulard. Nous allons assister maintenant à un famadienne, un retournement des morts traditionnel, tel qu'il se pratique depuis des siècles et des siècles, bien avant l'arrivée des Européens. Le clan familial, le Fukulun, a décidé de bien faire les choses. Deux orchestres, une centaine d'invités, on a tué un gros bœuf pour alimenter l'enthousiasme des participants. Le tout sera copieusement arrosé de rhum. Si l'on gesticule ainsi, si l'on secoue énergiquement les défunts, c'est littéralement pour réveiller les ancêtres de leur long sommeil, pour leur rappeler qu'il serait bon d'aider les vivants. Si l'on fait du bruit, si les musiciens s'en donnent à cœur joie, c'est parce que les ancêtres ont peut-être horreur du silence de l'infini. Les ancêtres sont exposés au nord-est de la maison, c'est leur place. La fête va durer jusqu'à l'aube. Alors le rite est susceptible dès le premier jour de beaucoup de variations, mais là, si je comprends bien, on les secoue, on les retourne peut-être, mais on les exhume aussi puisqu'on les expose dehors. Oui, on les expose, bien sûr, quoi. Bah, littéralement, c'est pour qu'ils soient avec les vivants, quoi. Mais plus dans ce qu'on appelle leur maison. Tanarive, on appelle ça, le tombeau s'appelle maison des ancêtres. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils font la fête, qu'ils fassent la fête avec les vivants, leurs descendants. Voilà. C'est plus facile de faire la fête avec un squelette. auquel on prélève des os, oui. Qu'avec un cadavre en décomposition. On attend que le cadavre ne soit plus humide, mais sec. Ce ne sont pas des squelettes, excusez-moi, hein, ce ne sont pas des squelettes, mais on appelle ça plutôt en anthropologie ou plutôt dans le langage des malgaches, corps ancestral. C'est le corps des ancêtres. Ouais, donc, c'est des os. Oui, ce sont des os, mais symboliquement, ce ne sont pas des os. Vous aussi, par exemple, vous avez des os, vous avez du sang. Et ils ont des os. Comme nous, quoi. Le prélèvement des os, j'appelle ça des os, le prélèvement des os se fait avec des chiffres symboliques, 8 os. 8 os, voilà. Ce sont les 8 os de l'ancêtre. Les 8, c'est un chiffre symbolique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Ensuite, à ce moment-là, on l'enveloppe de nouveau dans le linceul ou bien dans d'autres régions de Madagascar, on ne sort pas le corps. Mais ça reste à l'intérieur du tombeau. Et à un certain moment, on s'amène avec des vêtements. On dépose des vêtements sur le tombeau, c'est juste ça. Quoi. On verra après ce qu'on fait des vêtements. Voilà, c'est ce qu'on appelle « at damp », ce fait d'apporter des lampes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rituel malgache est repris à La Réunion par la communauté malgache. Et plus précisément par les descendants d'anciens marrons de La Réunion. Voilà, à partir de 2003. Vous parlez d'esclaves, là. Et alors, une question pratique. Je suis descendant d'une famille d'esclaves. J'ai des ancêtres ? Bien sûr. À l'époque où vous étiez esclave, vous n'avez pas d'ancêtres. Mais quand vous êtes libéré, émancipé, c'est-à-dire à partir de 1877 pour les descendants des esclaves d'origine africaine et du 1896 pour les esclaves d'origine malgache, à ce moment-là, vous avez des ancêtres et vous allez en être fiers. Vous allez exhiber, faire tout le temps du famadienne. C'est-à-dire le famadienne, ça me permet de fabriquer mes ancêtres. Bien sûr. Si voilà, j'en suis privé. Oui, voilà, voilà. Ah. Donc à ce moment-là, quand même, vous avez des sources, vous avez des racines. Et c'est pour ça que dans la région de Tanarive, les tombeaux des descendants de ces esclaves sont beaucoup plus beaux que ceux des autres. Et ça se fête, la fabrique des ancêtres. Mmh. On cuisine ce premier jour du rite ? Oui, pendant les deux jours même, on cuisine. On cuisine et c'est une cuisine assez spéciale. En général, dans la région de Tanarive, il s'agit de viande de bœuf, plus de viande de porc, mais c'est très très plein de lard, hein. Plein de lard. Et en général, on met beaucoup de sel. C'est très, très salé. Et ça aussi, c'est symbolique, parce que le salé, dire en malgache, masina, c'est-à-dire sacré. Il y a une assimilation de la viande de bœuf au corps qui n'a plus de chair du mort. Peut-être. Il y a une substitution. Oui, peut-être à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, on rejoint un peu l'hypothèse du pasteur Dumollet, qui était ethnologue et qui disait que les Malgaches, avant, faisaient pratiquer la manducation des morts, c'est-à-dire qu'ils mangeaient les morts. Donc, à la place, on a remplacé les zébus. C'est une hypothèse qui tient, quoi. Le bœuf et les zébus substituent. Voilà, oui. Voilà. Et en tout cas, le zébu, c'est l'animal le plus proche de l'homme dans la symbolique malgache. Voilà. Nous parvenons ainsi. Et dans quel état? Et dans quel état? Au deuxième jour. Après une nuit entière de chants et de danse, on ramène les défunts au caveau familial. On les enveloppera dans de nouveaux lampes. La cérémonie du retour au tombeau durera 2 heures. On enduit les nouveaux linceuls de miel et de graisse de bœuf, symbole des biens terrestres. On touche le linceul parce que cela porte bonheur. Le famadienne se termine. Il fait déjà presque nuit. Mais alors là, Malan John Rakoto Malal, tout à l'heure vous nous parliez des vêtements posés sur le tombeau. Là, on a changé de vêtements. C'est des pagnes en fait, les linceuls. Oui, c'est juste le vêtement quoi. C'est juste le vêtement, c'est comme, ce sont des vêtements, je sais pas, des chemises, des pantalons, etc. quoi. Voilà. Mais chez les mères, il s'agit de renouveler les limbes des ancêtres. Oui. Et on réenveloppe. Oui. Et ces nouveaux vêtements, ils peuvent être enduits de, je sais pas, de graisse de bœuf, de miel, de... Non, je crois pas. Non, ce sont des vêtements comme ceux des vivants. Oui. C'est pourtant ce que prétend avoir vu le journaliste. Alors, justement, les récits des journalistes, des voyageurs, des anthropologues montrent toutes sortes de variations. Mmh. Alors, la variation, elle est provoquée par le récit ou le récit fait état de variations qui existent et qui sont très nombreuses? Ça varie selon plusieurs facteurs. Ça peut dépendre du groupe statutaire de la famille qui organise. Ça peut dépendre également de la richesse de la famille. Donc, il y a aussi des familles qui sont très occidentalisantes. Donc, à ce moment-là, ils n'utilisent plus la cuisine traditionnelle, mais ils remplacent ça par de whisky, etc. Voilà. Ça varie, quoi. Mais quand même, le plus traditionnel, à mon avis, c'est celui qu'on rencontre chez les descendants d'anciens esclaves. Les descendants d'anciens esclaves, disiez-vous, répètent le famadian pour se fabriquer des ancêtres à plusieurs reprises. Jusqu'où peut aller la répétition? Parce que, bon, il y a les premières secondes funérailles, et puis les secondes funérailles, et ainsi de suite? Oui, en fait, le premier funérailles, c'est l'enterrement, puis le second funérailles, c'est le famadian, qui consiste à changer le statut de l'ancêtre. En fait, c'est la dernière étape de l'ancestralisation. Mais il arrive que un de ces jours, un de mes ancêtres se plaint d'avoir froid dans la face. Ça veut dire qu'on interprète ça tout de suite comme qu'il veut qu'on change ses lampes, qu'on lui ajoute ses lampes parce qu'il a froid, par exemple. Mais ça peut dépendre également, comme je dis tout à l'heure, du statut de la famille organisatrice. Les descendants d'esclaves ont besoin de refaire de manière régulière, c'est-à-dire de rappeler à la société quand même qu'ils ont désormais des ancêtres, voilà. Et c'est pour ça qu'ils pratiquent ça tous les 3 ans, tous les 5 ans, par exemple. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Le retournement, à moins que ce ne soit l'exhumation des morts, le famadian, à Madagascar. Alors, Manan John Rakoto Malal, vous avez dit plusieurs fois mes ancêtres. Vous brûlez peut-être de raconter ce qui s'est passé dans votre famille, ce qui se passe encore dans votre famille. Je parle de malgaches en général, ma famille, dans ma famille, il est interdit de pratiquer le famadien. C'est une, comment dire, c'est en relation avec mon groupe statutaire, voilà. Ah, vous voulez dire que vous êtes de famille princière ou royale et que j'ai une ascendance princière. Donc vous n'avez pas besoin de vous fabriquer des ancêtres. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai des ancêtres qui avaient été brûlés et vifs à une certaine époque lors des persécutions chrétiennes au 19e siècle. Et ce sont eux qui ont dit qu'il ne faut pas pratiquer des religions, des systèmes de croyances autres que le christianisme. Donc on se défend d'aller chez un évangéliste, on se défend de pratiquer des choses qui aient relation, des faits qui aient relation avec tout ce qui est ancestral, quoi. Voilà. Ah, c'est ça la racine de votre vocation d'anthropologue, c'est le désir de l'autre, de ce qui vous manque, c'est ce dont vous êtes privé. Voilà, voilà, j'essaie de comprendre les autres, si vous voulez. Voilà. Et, bon, alors moi je croyais que c'était les familles les plus riches qui pratiquaient le famadian, mais là vous êtes en train de nous expliquer que les familles du sommet, royal ou princière, ne le pratiquent pas. Parce que, ce qu'on dit couramment ici, hein, c'est que ça coûte... très très cher. Vous disiez que le tombeau c'était plus beau que la maison. Jacques Lombard, qui est un anthropologue qui connaît très bien Madagascar. Autrefois, certains seulement avaient leurs tombeaux, des vrais tombeaux. Et curieusement maintenant, le fait que la société malgache soit devenue une société moins hiérarchisée et moins inégalitaire fait que chacun veut avoir son tombeau comme on l'avait autrefois. Et ça c'est très intéressant. Dans le sud, par exemple, quand on voit d'ailleurs la taille des maisons, qui sont petites, on dirait qu'on ne vit pas dans les maisons, on y dort seulement et qu'on vit surtout à l'extérieur. Elles sont petites en bois, dans un matériau périssable. Par contre, les tombeaux sont 10, 20 ou 30 fois plus grands, immenses, en pierre, en maçonnerie, décorés souvent. Et chacun, surtout s'il a réussi, surtout je dirais même s'il n'avait pas d'ancêtre dans l'histoire, va voir son tombeau pour renverser un peu l'histoire. Et il y a toute une technologie de la maçonnerie pour les tombeaux qui n'a pas encore, jusqu'à maintenant, été transférée sur les maisons. C'est fantastique. Les morts ont encore, dans une large mesure, la première place. Alors Lombard parle d'une démocratisation, alors que d'autres observateurs occidentaux, très attentifs à l'économisme, disent qu'il y a trop de ressources qui sont mobilisées dans le famadian. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une vue, disons, occidentale, rationaliste. C'est-à-dire que nous qui sommes rationalistes, nous comprenons pas que le famadian, c'est un moyen d'investissement économique. C'est-à-dire que on investit toutes les dépenses en bénédiction des ancêtres. Mais pas seulement en bénédiction des ancêtres, mais il y a un famadian bien organisé, célèbre, ça permet également d'avoir le prestige de toute la société. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas facile à éradiquer, quoi. Déjà, sous la première république 1958-1972, le président de la république a exhorté la population de ne plus pratiquer ce genre de choses parce que paraît-il que on dépensait trop, quoi. Mais jusqu'à maintenant, on pratique. Voilà. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que la pratique des techniciens n'est pas la logique des techniciens n'est pas la logique populaire, quoi. Voilà. Et la logique des médecins? La logique des médecins, c'est que disons qu'il y en a qui disent que, surtout actuellement, il y en a qui disent que c'est à cause du famadian que se répand le virus de la peste, par exemple. Parce que les bactéries de la peste sont très résistantes. Mais, combien de temps, on ne sait pas très bien. Et aller danser avec des cadavres peut-être encore pesteux et dangereux. Voilà, mais on continue à faire le famadian. On espère quand même que les ancêtres protègent, nous bénissent. Quoi. Voilà. Mais vous dites ça avec un grand sourire, comme si c'était d'évidence. C'est l'évidence populaire. Et en tant que descendant de chrétiens, comment voyez-vous les choses? Où en est d'ailleurs la vie religieuse, très fragmentée de la grande île? Il y a beaucoup de protestants, il y a beaucoup de musulmans, il y a toujours beaucoup de catholiques. Oui, et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Bien sûr, et surtout, il y a les églises qu'on qualifie actuellement d'églises cadettes, pour ne pas dire par pudeur, sectes, quoi. ce sont ces églises cadettes qui sont très très virulentes à propos de tout ce qui a relation avec la mort. Dans les coutumes ancestrales malgaches. Et eux, ils interdisent également sur cette coutume-là. Mais par contre, il y a dans d'autres congrégations chrétiennes, on utilise la Bible de temps en temps pour justifier le famadien. Par exemple, on utilise surtout le verset de l'Exode, le verset 20, je me souviens plus, le chapitre 20, je crois, de verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Voilà. Et le malgache dit, ouais, dans la Bible, c'est dit comme ça. Il y a même, dans l'ancienne histoire des enfants d'Israël, on a ramené le corps de Joseph en terre promise, par exemple. Et le malgache dit, ça aussi, c'est du formadine. Et pourquoi vous nous interdisez de pratiquer celui de nos ancêtres, le rituel de nos ancêtres? Le formadine de nos ancêtres, voilà. Il arrive, on en fait l'expérience ici, que les rites funéraires connaissent un véritable retournement. On vit ici une révolution depuis quelques lustres, celle de la crémation. La crémation à Madagascar, qui rend assez difficile le rituel. Oui, mais la crémation, c'est, disons, très, très, très marginal, hein. Très, très marginal à Madagascar, chez les Malgaches surtout, mais ça se pratique juste. De plus en plus chez les Malgaches de France, par exemple, parce que c'est très, très cher de la patrie encore. Mais il y a quand même des Malgaches ici en France qui disent non, je rentre entier chez moi. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont peur des voleurs de sépultures. Voilà. Les voleurs de sépultures. Voilà. Voilà. Avant, au 19e siècle, on volait dans les tombeaux juste les affaires des morts. Mais actuellement, on vole les squelettes. Et paraît-il qu'on vend ça quelque part, je sais pas où. Oh, en Chine, sûrement, parce que maintenant, les Chinois sont parés de tous les défauts qu'on donnait aux Européens. Je sais pas, j'ose pas m'affirmer là-dessus, quoi. Voilà. Alors, ceci nous a été présenté comme une musique de cour. Vous allez identifier, parce que vous allez retrouver vos ancêtres, très certainement. Non. Vous avez reconnu mais je ne connais pas le titre. Hein. En fait, en général, à Madagascar, les chansons folkloriques n'ont pas de titre. Mais ce n'est pas folklorique, ça vient d'une cour de vos ancêtres. Ça se reconnaît tout de suite parce que c'est la valilla. C'est-à-dire la valilla, la cithare tubulaire. Et la cithare tubulaire valilla est considérée comme un instrument royal ou princier. Quoi. Voilà. Merci à vous, Mananjon Rakotomalal. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Zachary Boubli, Ilinka Negulesco, Adèle Kaito, à la technique Philippe Duclos, à la réalisation Liscombe.